إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue dans l'explication de notre livre Kitab al-Tawhid. Et juste avant de commencer, donc aujourd'hui c'est le cours numéro 5 et on est toujours dans le chapitre 3. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va lire? On va lire un hadith qui est justement mentionné. C'est le dernier hadith qui est mentionné dans ce chapitre. Et c'est un hadith qui est assez long et qui contient beaucoup de règles et beaucoup de compréhension. Donc Inch'Allah on va passer à travers ce hadith Inch'Allah. Puis juste avant ça, je voulais juste mentionner un point par rapport aux horaires de cours. Je sais qu'en ce moment, c'est un peu à l'envers parce qu'on ne commence jamais à l'heure prévue. C'est parce que, en fait, le temps qu'on a prévu pour le cours, ça tombe un peu difficile. En ce moment, c'est un peu difficile pour moi. Mais, Inch'Allah, à partir de dimanche, étant donné que dimanche, on va changer l'heure, Inch'Allah, ici au Canada. Donc, Inch'Allah, la semaine prochaine, ça devrait rentrer dans l'ordre. On va établir une heure fixe, puis Inch'Allah, ça va être plus facile à respecter. Inch'Allah. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, le hadith qu'on va lire maintenant, c'est le hadith qui est rapporté selon Hussein ibn Abdurrahman. Donc il dit عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة فقلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكن لدغت قال فما صنعت قال ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أنه قال لرقي أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل أو الرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ونظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة ابن محصن فقال أدعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة Donc ça c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim et Al-Tirmidhi et Al-Darimi et Ahmad. Donc dans ce hadith, c'est un hadith rapporté selon Hussein ibn Abdurrahman. Il dit, j'étais auprès de Saïd ibn Jubayr et il a dit, lequel d'entre vous a vu yani, l'étoile ou bien l'astre dans le ciel la nuit passée? Alors j'ai dit, moi je l'ai vu. Puis ensuite j'ai dit, c'est-à-dire Hussein ibn Abdurrahman, il dit, je l'ai vu, mais ensuite j'ai dit, je n'étais pas en train de faire la prière, mais j'ai été mordu par une bête, hein, par un scorpion ou un animal venimeux. Donc j'ai été piqué par cet animal et c'est ça qui m'a empêché de dormir. Et c'est pour ça que j'ai vu l'astre dans le ciel. Alors, Saïd ibn Jubayr lui demande, alors qu'est-ce que tu as fait? Il répond, Irtaqait. J'ai fait la ruqya. Alors, il dit, qu'est-ce qui t'a amené à faire une chose pareille? Qu'est-ce qui t'a amené à faire la ruqya à ce moment-là? Il dit, c'est un hadith que j'ai entendu de la part de Al-Sha'bi. Hein? Il dit, qu'est-ce qu'il vous a rapporté ou qu'est-ce qu'il vous a mentionné comme hadith? Il dit, il nous a dit que Bouraïda ibn al-Husayb a dit, il n'y a pas de ruqya excepté pour le mauvais œil qui nous frappe ou pour la fièvre. Alors il dit, la personne qui s'est arrêtée à ce qu'elle a entendu, elle a bien agi. C'est-à-dire la personne qui se limite à ce qu'elle connaît et à ce qu'elle a entendu de la religion, elle a bien agi en agissant comme ça. Mais moi, j'ai quelque chose de mieux. C'est comme si Saïd ibn Jubayr, il disait, moi j'ai entendu quelque chose d'autre de la part de Ibn Abbas, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on m'a présenté les nations. Et j'ai vu qu'un prophète venait et il avait quelques hommes avec lui, un petit groupe d'hommes avec lui. Et j'ai vu un autre prophète arriver, hein, au jour de la résurrection, et il avait avec lui un homme ou deux qui l'avaient suivi. Et j'ai vu un autre prophète, il venait et avait personne avec lui, personne du tout. Puis j'ai levé mes yeux et j'ai vu une grande foule, une grande masse de personnes. Alors j'ai cru que c'était ma umma. Puis on m'a dit, voici la umma de Moïse et son peuple. Il dit, ça c'est Moïse et son peuple. Alors j'ai regardé et j'ai vu plus loin encore une autre masse immense. Et on m'a dit, voici ta umma. Et avec eux, il y a 70 000 qui vont entrer au paradis sans aucun compte, hein, sans qu'on leur demande de compte et sans qu'il n'ait de châtiment. Puis il est rentré donc dans sa maison par la suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré dans sa maison par la suite et les gens ont commencé à discuter entre eux pour savoir de qui il s'agit, hein, c'est-à-dire de qui il s'agissait quand on a mentionné les 70 000 qui rentrent sans châtiment et sans qu'on leur demande de compte. Et certains d'entre les sahaba ont dit probablement que ce sont ceux qui ont étaient les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres ont dit probablement que ce sont ceux qui sont nés dans l'islam et qui n'ont jamais commis de shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Puis d'autres ont mentionné autre chose. Alors le messager sallallahu alayhi wa sallam est sorti et il leur a informé. C'est-à-dire eux ils ont informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qu'ils avaient pensé de la possibilité de ce que ça pouvait signifier ou de qui il pouvait s'agir. Puis le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce sont ceux, c'est-à-dire ces 70 000 qui n'ont pas de jugement ni de châtiment, ce sont ceux qui n'ont pas demandé la ruqya, c'est-à-dire n'ont pas demandé à quelqu'un qu'on leur fasse la ruqya ni qu'on leur fasse ni qu'on leur fasse le traitement avec des fers chauds comme le font les gens certains dans le désert. Ils ont ce traitement là qu'ils utilisent, c'est un fer chaud qu'ils placent à certains points ou à certains endroits et c'est utilisé comme traitement pour certaines maladies. Wala yatatayyarun, c'est-à-dire ils ne croient pas en ce qui peut se produire, comme par exemple les gens qui croient aux mauvais présages ou aux superstitions. Donc ils ne se laissent pas affecter par ce genre de choses-là et qui mettent leur confiance en leur Seigneur. Donc ça, c'est les personnes qui sont parmi les 70 000. Ce sont ceux qui ne demandent pas la ruqya, qui ne font pas ils ne seront pas traités par le fer chaud, ils ne demandent pas ça. Ils ne croient pas aux mauvais présages et en les superstitions, et puis ils ne se laissent pas affecter par ça, et ils mettent leur confiance en leur Seigneur. Alors, Ukasha ibn Mihsan, il s'est levé et il a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il fasse que je sois un parmi ces 70 000. Alors, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, toi tu es un d'entre eux. C'est-à-dire, tu es un d'entre eux. Et un autre s'est levé et il a demandé la même chose que Ukasha. Il a dit, invoque Allah pour qu'il fasse que je sois parmi eux, moi aussi. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à ce moment a répondu à celui-là que Ukasha t'a précédé. Hein? Ukasha t'a précédé là-dedans, donc, c'est-à-dire, il ne peut pas invoquer pour lui. Parce que Ukasha l'a précédé, puis on va lire qu'est-ce que ça signifie dans l'explication des différents termes, comme le cheikh il va les expliquer, puis dans la signification générale du hadith. Premièrement, on va maintenant parler de ceux qui sont mentionnés, les noms qui sont mentionnés dans le hadith, une courte biographie de chacun d'entre ceux qui sont mentionnés dans ce hadith. Donc, le cheikh il dit tarajum ar-rijal al-waridatu asma'uhum fil hadith. Donc, les biographies des hommes qui sont mentionnés, dont on mentionne les noms dans ce hadith. Premièrement, Hussein. Son nom c'est Hussein ibn Abdurrahman. السلمي الحارثي من تابع التابعين مات سنة 136 وله 93 سنة. Donc le premier c'est Hussein. Son nom c'est Hussein ibn Abd al-Rahman al-Sulami al-Harithi. Il fait partie des tabi' al-Tabi'in, c'est-à-dire il fait partie des élèves des tabi'in. Il est mort en 136 Hijri. Lorsqu'il est décédé, il avait 93 ans. Naam. Et Saïd ibn Jubayr, c'est l'autre qui est mentionné également, c'est Cheikh dit huwa al-imam al-faqih min ajillati ashab ibn Abbas qatalahu al-Hajjaj sanata 95 wa lam yukmil al-50. Donc le deuxième qui est mentionné, c'est un parmi les grands ulama des tabi'in. C'est l'imam al-faqih, un des nobles et des grands parmi les compagnons d'Ibn Abbas, c'est-à-dire il a étudié parmi il fait partie des élèves de Abdullah ibn Abbas. Il a été tué par al-Hajjaj, il est mort en l'an 95 et il n'avait même pas encore 50 ans, il n'avait pas encore complété 50 ans. Un autre parmi les ulama et les imams qui sont mentionnés dans ce hadith, il y a l'imam al-Sha'bi. Son nom c'est Amir ibn Shurahil al-Hamadani. Wulida fi khilafati Omar. Il est né durant le khilafat de Omar. Donc son nom c'est Amir ibn Shurahil al-Hamadani al-Sha'bi. On l'appelle al-Sha'bi. Donc ça c'est un des grands ulama. Et c'était un des savants de Jarh al-Ta'dil à cette époque-là. Il est né dans le khilafat de Omar. Wa huwa min thiqat al-Tabi'in. Fait partie des fiables parmi les rapporteurs de hadith parmi les tabi'in. مات سنة 103 هجري. Il est mort en l'an 103 هجري. Et Buraïda, بضم أوله وفتح ثانيه ابن الحصين ابن الحارث الأسلمي صحابي شهير مات سنة 63. Donc Buraïda, son nom c'est Buraïda ibn al-Husayb ibn al-Harith al-Aslami. C'est un sahabi très connu et il est mort en l'an 63 Hijri, après la Hijra. ابن عباس وهو الصحابي الجليل عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فكان كذلك ومات بالطائف سنة 68. Donc ابن عباس رضي الله عنه c'est un noble sahabi, c'est le fils de Abbas, le fils d'Abd al-Muttalib. Donc il est le fils de l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait fait un dua pour lui, dans lequel il a demandé, il a dit, ô Allah, donne-lui la compréhension de la religion et enseigne-lui l'interprétation du Coran. Allimhu al-Ta'wil. Et ici, bien entendu, al-Ta'wil, c'est dans le sens du tafsir et de l'explication du Coran. Donc, il est décédé. Il était donc un grand savant et il est décédé à la ville de Taif en l'an 68 Hijri. Ensuite, Ukasha, c'est un autre sahabi qui est mentionné dans le hadith. Et c'est Ukasha ibn Mihsan ibn Harsan al-Asadi. Kana min as-sabiqina ila l'islam. Ukasha ibn Mihsan ibn Harsan al-Asadi. C'est un des premiers parmi les gens qui se sont convertis à l'islam. Hajara wa shahida badran wa qatala fiha. Donc il a fait la hijra, il a été présent à la bataille de Badr et il a combattu dans cette bataille. Wa stushhida fi qital ar-ridda. Il est mort martyr durant la bataille de l'apostasie contre les apostats après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant le khilafa de Abu Bakr radiyallahu anhu. مع خالد بن الوليد il est mort, il a combattu dans la bataille de la Ridda et c'est là qu'il est mort martyr avec Khalid ibn al-Walid. Il a combattu avec Khalid ibn al-Walid et il est mort dans l'an 12 Hijri, dans 12 ans après la Hijra. Donc on a maintenant mentionné les noms des personnes qui sont mentionnées dans ce hadith et maintenant on va expliquer les différents termes qui sont utilisés dans le hadith. Donc quand on dit al-kawkab, le hadith il dit ayyukum ra al-kawkab alladhi inqadda al-bariha. Al-kawkab, ça signifie al-najm. Al-kawkab, on l'utilise pour désigner parfois une planète, un astre et une étoile. Et dans ce cas-là ici, c'était l'étoile. Inqadda أي سقط منه الشهاب أي سقط منه الشهاب c'est-à-dire c'est une étoile qui est tombée et donc une étoile, c'était comme une étoile filante en fait qui est tombée. Et البارحة شيخ الزي هي أقرب ليلة مضت يقال قبل الزوال رأيت الليلة وبعد الزوال رأيت البارحة. Donc البارحة c'est la nuit la plus proche qui est passée. Quand on utilise l'expression البارحة, ça veut dire la plus proche, la nuit qui nous a précédé, qui est la plus proche. Et quand c'est avant le midi, avant, si on parle de la nuit passée avant le midi, on utilise al-layla. On dit, au lieu de dire al-bariha, on dit al-layla. C'est-à-dire, par exemple, si c'est le matin, puis tu parles de la nuit passée, tu vas dire al-layla. Si dans ce hadith-là, si la personne avait demandé avant le dhuhr ou avant l'heure du midi, du zénith, il aurait dit ayyukum ra'a al-kawkab alladhi inqadda al-layla. Mais si c'est après l'heure du midi ou après le zénith, on dit al-bariha. Wa ba'da al-zawal ra'aytu al-bariha. Donc j'ai vu la nuit passée. L'udirt, dans le hadith, on voit, il dit, ça c'est Hussein ibn Abdurrahman, il dit amma inni lam akun fi salatin walakinni l'udirt. J'étais pas dans une prière, mais j'ai été mordu. L'udirtu. il dit, donc le cheikh il dit, ay ladaghathu al-aqrab, ou ladaghathu aqrab. Donc c'est un scorpion qui l'a mordu. Walladr al-lasa, ay asabathu bi-summiha. Donc il a été mordu par un scorpion et il a été atteint par son poison ou par son venin. Ok, donc c'est ça ce que ça signifie. Ensuite il dit irtaqait, yani c'est ça, irtaqait ça veut dire talabtu man yarqini, c'est-à-dire j'ai irtaqaitu, yani ça veut dire j'ai demandé à quelqu'un de me faire la ruqya. Ça, j'ai demandé à quelqu'un de me faire la ruqya. والرقية قراءة القرآن والأدعية الشرعية على المصاب بمرض أو ونحوه. C'est-à-dire, الرقية, c'est quoi? C'est de réciter le Coran ou des invocations rapportées dans la Sharia sur une personne qui a été atteinte par une maladie ou par quelque chose de ce genre. D'accord? Et c'est ça que signifie le terme الرقية. Donc il dit ارتقيت ici, c'est يعني طلب طلب من يرقيني يعني طلبت من يرقيني j'ai demandé à quelqu'un pour qu'il me fasse la ruqya. ما حملك على ذلك يعني ما حجتك على جواز ذلك. Donc Saïd ibn Jubair il lui demande ما حملك على ذلك, qu'est-ce qui t'a amené à agir de cette façon. Donc en d'autres termes, qu'est-ce qu'il veut dire par là, c'est quelle a été ta preuve pour croire que d'agir ainsi ou de faire cette chose est permis, que c'est correct, que c'est permis dans la charia de faire ça. C'était quoi ta preuve? Donc il a répondu avec le hadith qu'il a rapporté selon Al-Sha'bi, hein, selon Al-Sha'bi, selon Bouraïda ibn al-Husayn. Et il a mentionné le hadith qui disait il n'y a pas de ruqya excepté pour Al-Aïn ou bien pour une humma. Maintenant, il dit, donc il explique ce terme, la ruqyata illa min aïn. Al-Aïn, isabatul a'in, wa isabatul a'in ghayrahu bi'aynihi. Donc Al-Aïn c'est quoi? C'est quand quelqu'un frappe une autre personne avec son regard. Hein? Il le frappe par le mauvais œil. Ou humma, al-humma, sum al-aqrab wa shabhaha. Donc ici c'est al-humma, c'est comme il dit le poison ou le venin de ce scorpion qui l'a mordu. Il dit ici, il est rapporté sans la shadda. Parce que humma, ça peut être la fièvre, si on utilise le terme humma pour la fièvre. Et ici, c'est humma sans la shadda, ça fait, ça désigne le scorpion, le venin du scorpion et ce qui est semblable à ça. Ça peut être le venin aussi d'un autre animal, d'un araignée ou d'un serpent. Hein. Donc, humma. Et ici, من انتهى إلى ما سمع أي أخذ ما بلغه من العلم بخلاف من يعمل على جهل أو يعمل بما يعلم أو لا يعمل بما يعلم. من انتهى إلى ما سمع أي أخذ ما بما بلغه من علم أو من العلم بخلاف من يعمل على جهل أو لا يعمل بما يعلم لا يعمل بما يعلم. C'est-à-dire celui qui s'est arrêté à ce qu'il a entendu, c'est-à-dire il prend selon ce qu'il a reçu comme science. Il agit pas par ignorance et il agit pas selon ce qu'il ne connaît pas. Donc il agit selon sa science. Ensuite, uridat alayya al-umam. Ensuite il mentionne donc le hadith de Abdullah ibn Abbas qu'il rapporte, donc dans lequel il mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a présenté les différentes nations, les différents peuples avec leurs prophètes. Donc le cheikh il commente à ce sujet-là, il dit قيل كان ذلك ليلة الإسراء أي أراه الله مثالها إذا جاءت يوم القيامة. Donc on lui a dit que ça, le cheikh il dit que ça, certains savants ont mentionné que c'était durant la nuit de Al-Isra. C'est-à-dire on lui a montré, Allah subhanahu wa ta'ala lui a montré ces exemples-là, yani des prophètes qui viennent au jour de la résurrection, comment ces nations-là vont venir avec leur, chacun avec leur prophète. Ensuite il explique les différents termes qui sont mentionnés dans ce hadith. Ar-Ruhd, Al-Jama'a Dun Al-Ashra. Donc Ar-Ruhd ça signifie un groupe de personnes qui est moins que 10, moins que 10 personnes. Donc ça c'est pour un des prophètes qui venait avec Ar-Ruhd. Et ensuite il dit wa an-nabi wa laysa ma'ahu ahad. Ensuite il parle du prophète qui vient avec personne, il y a personne qui le suit. Et lam yattabi'uhu min qawmihi ahad. Il y a personne qui l'a suivi parmi les gens de son peuple. Ensuite, il explique l'autre terme qui est sawadun azim. Ça n'est sawadun azim si on le traduit littéralement. Sawad, ça veut dire une noirceur. Et une grande noirceur, c'est-à-dire, c'est dans la forme. Quand on voit une grande masse à l'horizon, c'est comme si on voyait une grande foule. Et ça fait comme une ombre, hein, comme une grande masse. Et donc, on utilise cette expression-là pour désigner une foule nombreuse de nombreuses personnes. Après, il dit فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي أي لِكَثْرَتِهِمْ وَبُعْدِهِ عَنْهُمْ فَلَا يُمَيِّزُ أَعْيَانَهُمْ. Donc c'est ça, il dit j'ai cru que c'était ma umma. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tellement nombreux et étant donné qu'ils étaient loin, donc ils ne pouvaient pas les distinguer. On ne pouvait pas savoir qui ils étaient exactement, donc il a cru que c'était sa umma alors que c'était la umma de Moussa. C'était Moussa et son peuple. Moussa est Moussa ibn Imran, Kalimur Rahman. C'est-à-dire Moussa, fils de Imran, Kalimur Rahman, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a parlé. Et Qawmuhu, elle est son peuple, est Atba'uhu ala dinihi min bani Israël. Donc ceux qui l'ont suivi sur sa religion parmi les gens, parmi les fils d'Israël. Ensuite, le cheikh il dit bila hisab wala azab. Ça c'est la mention de lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que parmi la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a 70 000 qui n'auront pas de jugement ni de châtiment. Bila hisab wala azab ay la yuhasabun wala yu'adhabun qabla dukhulihim al-jannah لتحقيقهم التوحيد. Donc يعني ceux-là ils n'auront pas de jugement, ils n'auront pas de châtiment avant d'entrer au paradis parce qu'ils ont complété et réalisé le tawhid dans sa perfection. Et donc à cause de ça, ils n'ont pas de jugement ni de châtiment, ils rentrent direct au paradis. ثم نهض اي قام فخاض الناس في اولئك. Et puis après le professeur Ansem s'est levé et خاض الناس في اولئك يعني اي تباحث الحاضرون واختلفوا في هؤلاء السبعين باي عمل نالوا هذه الدرجه فانهم لم ينالوها الا بعمل فما هو. Donc les gens ont commencé à chercher entre eux et ils divergeaient entre eux sur ces 70 000 là par quelle action ils avaient atteint ce degré et ils avaient mérité ce statut-là de rentrer directement au paradis sans jugement ni châtiment. فَإِنَّهُمْ لَمْ يَنَالُوهَا إِلَّا بِعَمَلٍ. Donc ils l'ont atteint ce degré, ils ne l'ont pas atteint excepté à cause d'une action qu'ils avaient faite. Donc ils voulaient savoir c'était quoi cette action qui leur méritait, qui leur avait fait mériter cette récompense ou ce degré. Et il dit فَأَخْبَرُوهُ أي ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم اختلافهم في المراد بهؤلاء السبعين. Donc ils l'ont informé, ils ont mentionné au prophète صلى الله عليه وسلم leur divergence au sujet de ce qui avait été voulu par ces 70 000. Et il dit la yastar, il a répondu en disant que ce sont هم الذين لا يسترقون لا يطلبون من يرقيهم استغناء عن الناس. ولا يكتوون لا يسألون غيرهم أن يكويهم بالنار ولا يتطيرون لا يتشاءمون بالطيور ونحوها وعلى ربهم يتوكلون يعتمدون في جميع أمورهم عليه لا على غيره ويفوضون أمورهم إليه. Donc le cheikh explique, il dit la yastarqoun, c'est-à-dire ils ne demandent pas à quelqu'un qu'on leur fasse la ruqya parce qu'ils veulent se passer des gens. Wala yaktawoun, c'est-à-dire ils ne demandent pas à quelqu'un de leur faire un traitement de avec le fer avec le feu qui est, le fer qui est passé au feu. Wala yatatayyaroun, c'est-à-dire ils ne sont pas victimes ou ils ne se laissent pas affecter par les mauvais présages, que ce soit à cause des oiseaux, par les oiseaux, le mauvais présage des oiseaux ou autre raison ou autre cause parmi les mauvais présages. Et ils ne sont pas donc superstitieux et pessimistes par rapport à ce qu'ils voient dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans ce qui est prédestiné. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, ils mettent leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes leurs affaires. Ils remettent, ils reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, ils reposent leur confiance sur Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes leurs affaires et ils ramènent leurs problèmes ou leurs affaires et leurs questions à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ramènent leurs choses à Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont confiance en Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc ça c'est les quatre points des caractéristiques qui font que la personne qui a respecté ça comme il faut, il va être parmi les 70 000 qui méritent d'entrer au paradis directement sans jugement ni châtiment. Ensuite il dit « Sabaqaka biha ukkasha » c'est-à-dire « Ukkasha t'a précédé » ça c'est quand l'autre homme s'est levé après Ukkasha pour demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire un dua pour lui pour qu'il soit parmi ces 70 000 là. Et il dit سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَ أي إِحْرَازِ إِلَى إِحْرَازِ هَذِهِ الصِّفَاتِ أي سَبَقَكَ بِالسُّؤَالِ il dit أي إِلَى إِحْرَازِ هَذِهِ الصِّفَاتِ أو سَبَقَكَ بِالسُّؤَالِ. Donc quand il dit عُكَّاشَ t'a précédé, c'est-à-dire il t'a précédé dans le fait d'atteindre ou d'obtenir ces caractéristiques-là. Et d'autres ont dit, il t'a précédé dans la demande. Il t'a précédé dans la demande. Et également, la signification générale du hadith, donc le cheikh explique. المعنى الإجمالي للحديث يصف لنا حسين ابن عبد الرحمن حوارا دار في مجلس سعيد بن جبير بمناسبة انقضاض كوكب في الليل. فأخبرهم حسين أنه شاهد انقضاضه لأنه لم يكن حينئذ نائما إلا أنه خاف أن يظن الحاضرون أنه ما رأى النجم إلا لأنه يصلي فأراد أن يدفع عن نفسه إهامة تعبد لم يفعله كعادة السلف في حرصهم على الإخلاص فأخبر بالسبب الحقيقي ليقظته وأنه بسبب إصابة حصلت له فانتقل البحث إلى السؤال عما صنع حيال تلك الإصابة فأخبر أنه عالجها بالرقية فسأله سعيد عن دليله الشرعي على ما صنع فذكر له الحديث الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في جواز الرقية فصوبه في عمله بالدليل. Donc le cheikh il mentionne comme ancienne explication générale du hadith, il dit que dans ce hadith donc il y a la description ou bien Hussein ibn Abd al-Rahman décrit un dialogue ou une échange qui s'est passé dans l'assemblée de Saïd ibn Jubayr lorsqu'ils ont parlé en l'occasion d'une étoile filante qui était tombée durant cette nuit-là. Alors Hussein a mentionné qu'il avait été témoin de la tombée de cette étoile et que à ce moment-là, il était réveillé, il ne dormait pas. Sauf que il a eu peur que les gens qui étaient présents pensent que il était réveillé et qu'il a vu cette étoile parce qu'il priait durant la nuit. Donc il a voulu repousser cette pensée-là pour pas que les gens s'imaginent qu'il faisait des adorations qu'il n'avait pas fait, comme c'était l'habitude des salafs, puisqu'ils étaient très ils avaient toujours l'intention, disons, ou un désir très fort de faire preuve de sincérité et de pureté dans leurs intentions. Donc à cause de cette intention, de ce désir qu'ils avaient toujours de faire des efforts de garder leurs œuvres pures et cachées, hein, donc il a pas voulu se faire glorifier pour quelque chose qu'il n'avait pas fait, hein, et de dire aux gens qu'il était debout et que les gens commencent à s'imaginer qu'il prie la nuit. Donc il n'a pas voulu ça. Alors il leur a mentionné la vraie raison pour laquelle il était resté debout, et c'était à cause du fait qu'il avait été mordu par un scorpion. Donc la discussion s'est tournée vers la recherche ou la question au sujet de qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est mordu par un animal, ou c'est quoi le remède qu'on doit utiliser pour se guérir. Qu'est-ce qu'il avait fait à ce moment-là? Alors il a mentionné, donc c'est-à-dire que Hussein ibn Abdurrahman, il mentionne qu'il a utilisé comme méthode pour se traiter, il a utilisé la ruqya. Alors Saïd ibn Jubair lui demande de la preuve légale dans la charia qu'il a utilisé pour justifier donc l'utilisation de ce moyen-là. Et il lui a mentionné le hadith qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prouve la permission d'utiliser la ruqya lorsqu'on est atteint par une bête venimeuse ou quelque chose comme ça. Et Saïd ibn Jubair a mentionné que ce qu'il avait fait en agissant avec la preuve et en se basant sur un dalil, c'était ça qui est correct à faire. Puis il dit ثُمَّ ذَكَرَ لَهُ حَالَةً أَحْسَنَ مِمَّا فَعَلَ وَهِيَ التَّرَقِّي إِلَى كَمَالِ التَّوْحِيدِ بِتَرْكِ الْأُمُورِ الْمَكْرُوهَةِ مَعَ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا تَوَكُّلًا عَلَى اللَّهِ كَحَالَةِ السَّبْعِينَ الْأَلْفِ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِلَا حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ حَيْثُ وَصَفَهُمْ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُمْ يَتْرُكُونَ الرُّقْيَةَ وَالْكَيْءَ تحقيقا للتوحيد ويأخذون بالسبب الأقوى وهو التوكل على الله ولم يسأل أحدا غيره شيئا من الرقية فما فوقها. Donc le cheikh il dit, puis il lui a mentionné une chose à faire qui était meilleure encore que ce qu'il avait fait, et c'est-à-dire de s'élever à un niveau de perfection du tawhid qui est plus haut encore, en abandonnant ce qui est détestable malgré le besoin, hein, c'est-à-dire de mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala de façon complète, comme par exemple l'état des 70 000 qui vont rentrer au paradis sans jugement ni châtiment, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits dans ce hadith-là en disant que ce sont ceux qui abandonnent le fait de demander la ruqya ou le fer, le traitement avec le fer passé au feu, dans le but de réaliser et de compléter la perfection du tawhid, et de prendre les causes les plus fortes comme le fait de mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et de mettre notre confiance en Allah, donc, et de ne demander à personne d'autre de nous faire la ruqya ou autre parmi les moyens de guérison. Donc ça c'est par rapport à cette question, pour expliquer le sens général du hadith. Le Cheikh explique, il dit munasabatu al-hadith lil-bab anna fihi shay'an min bayan ma'na tahqiq at-tawhid. C'est-à-dire l'occasion pour laquelle ce hadith est mentionné dans ce chapitre, et c'est parce que dans ce hadith il y a la mention de la réalisation du perfectionnement du tawhid et de la rétribution de cela, de la récompense que cela va mériter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. وما يستفاد من الحديث. Les points qu'on peut extraire qui sont bénéfiques de la compréhension de ce hadith. فضيلة السلف وأنما يرونه من الآيات السماوية وأنما يرونه من الآيات السماوية لا يعدونه عادة بل يعلمون أنه آية من آيات الله. Donc le mérite des salaf. Et le fait que lorsque les salafs voyaient quelque chose dans le ciel, parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont célestes, ils ne le considèrent pas comme étant quelque chose d'ordinaire, de normal. Ils savent que c'est un signe parmi les signes d'Allah. Et ça, c'est un bon point que le Cheikh Al-Fawzan a mentionné, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, les gens voient des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le ciel parfois, et sur la terre et ailleurs, et ils ne réalise pas ou ne médite pas sur ces signes-là et ils ne les prennent pas comme étant quelque chose qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala ou comme étant un signe d'Allah. Ils font seulement que voir ça comme étant quelque chose de naturel ou de normal, hein, et ils passent comme si c'est, comme ils regardent ça comme si rien n'était, hein. Ils voient ça comme si, allez, c'est juste un événement naturel qui se produit, hein, comme si rien n'était. Les salafs, quand ils voyaient quelque chose qui se produisait dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, il savait que c'était un signe de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième point, ثانياً حرص السلف على الإخلاص وشدة ابتعادهم عن الرياء. On voit ici également, comme deuxième point, le fait que les salafs faisaient beaucoup d'efforts pour être dans l'ikhlas, pour être dans la pureté et dans la sincérité. Dans la pureté et dans la sincérité. Et al-ikhlas, donc, il voulait s'éloigner complètement de toute forme de riya. De toute forme de riya. Donc, on voit ça dans l'exemple de Hussein ibn Abdurrahman, lorsqu'il mentionne qu'il n'avait pas vu l'étoile parce qu'il était en train de faire la prière ou parce qu'il priait la nuit, mais uniquement parce qu'il avait été mordu par un animal. Donc il a fait ça pour justement se protéger du riya. ثالثا طلب الحجة على صحة المذهب وعناية السلف بالدليل. On voit ici dans ce hadith également le fait de demander la preuve au sujet de la véracité de la position qu'on a par rapport à une adoration ou à quelque chose qu'on fait dans la religion, de demander la preuve, et le fait que les salafs portaient ou donnaient à la preuve une importance très grande. رابعاً مشروعية الوقوف عند الدليل والعمل بالعلم وأن من عمل بما بلغه فقد أحسن. Le point numéro 4, le fait que on a ici la preuve que c'est quelque chose qui est ordonné par la charia de nous arrêter à la preuve et d'agir selon la science qu'on possède, et que c'est quelque chose qui a c'est quelque chose qui est bien de faire ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas agir sans science. Il faut agir selon ce qu'on a comme science. Et que ça, c'est la meilleure façon d'agir. Le point numéro 5, خامساً تبليغ العلم بالتلطف وحكمة. بالتلطف وحكمة. De transmettre la science avec douceur et sagesse. سادساً إباحة الرقية. Sixièmement, le fait que la ruqya est quelque chose de permissible, que c'est licite de l'utiliser, la ruqya. Septièmement, إرشاد من أخذ بشيء مشروع إلى ما هو أفضل منه. Ici, septièmement, on a le fait que c'est bien d'orienter quelqu'un, apprendre quelque chose qui, de, yani, apprendre quelque chose qui est meilleur, alors que, c'est-à-dire, lorsqu'il fait quelque chose qui est légiféré et qui est permis, c'est bien de lui indiquer quelque chose qui est légiféré aussi, mais qui est meilleur encore. Hein? Donc, d'appeler les gens à s'élever à des niveaux plus hauts hein, dans leur compréhension et dans leur pratique de la religion. Le point numéro 8, فضيلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث عرضت عليه الأمم. Le mérite de notre prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, du fait qu'on lui a présenté les différentes nations, les différents peuples et leurs prophètes. تاسعا أن الأنبياء متفاوتون في عدد أتباعهم. Le point numéro 9, on voit ici que les prophètes ont des fidèles de nombre différent, c'est-à-dire les prophètes, ils n'ont pas tous le même nombre de fidèles, certains ont plus de fidèles que d'autres. Le point numéro 10, الرد على من احتج بالأكثر وزعم أن الحق محصور فيهم. Donc ça c'est le point numéro 10, la réfutation de celui qui se base sur le grand nombre et qui pense que la vérité se limite uniquement au nombre de personnes qui la suivent. Donc c'est une réponse à ce sujet-là, puisque on voit qu'il y a des prophètes qui ont appelé à la vérité, tout comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le prophète Moussa alayhi wa sallam, et malgré tout ils n'ont pas eu de nombreux fidèles. Hein, ils ont eu parfois que quelques-uns, et même parfois certains prophètes, personne ne les a suivis. Malgré qu'ils utilisaient les meilleurs moyens et qu'ils appelaient tous à la vérité, mais yani, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide qui il veut. Le point numéro 11, أن الواجب اتباع الحق وإن قل أهله. Le point numéro 11, l'obligation c'est de suivre les gens qui sont sur la vérité, même si leur nombre est peu, même s'ils sont peu nombreux. Ensuite, le point numéro 12, fadilatu Moussa alayhi salatu wassalam wa qawmihi. Fadilatu Moussa alayhi salam wa qawmihi. Le mérite de Moussa alayhi salam et de son peuple. Le point numéro 13, fadilatu hadhihi al-ummah wa annahum aktharu al-umam ittiba'an li nabiyihim sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit ensuite yani le mérite de notre umma et le fait qu'ils sont la plus grande des umam et que c'est eux qui suivent le plus leur prophète, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 14, le point numéro 14, fadilatu tahqiq at-tawhid wa thawabihi. Le mérite de compléter, de parfaire et de réaliser la perfection du tawhid et la récompense qui en découle. Le point numéro 15, ibahatu al-munadharati fi al-ilm wal-mubahathati في نصوص الشرع للاستفادة وإظهار الحق. Le point numéro 15, la permission de débattre au sujet de la science dans le but de rechercher les textes de la charia, hein, de débattre dans la science et de faire des recherches dans les textes de la charia dans le but d'en profiter et de faire paraître la vérité. Le point numéro 16, عمق علم السلف لمعرفتهم أن المذكورين في الحديث لم ينالوا هذه المنزلة إلا بعمل. La science profonde des salafs, du fait qu'ils ont su que ceux qui sont mentionnés dans le hadith, les 70 000, n'ont pas atteint ce degré-là excepté par une action qu'ils ont faite. Et donc, ils étaient en train de rechercher quelle était cette action ou qu'est-ce qui leur avait fait mériter hein, ce niveau ou ce degré. Ensuite, le point numéro 17, حرص السلف على الخير والمنافسة على الأعمال الصالحة. C'est-à-dire le grand désir des salafs d'arriver au bien et de faire le bien et la compétition qu'ils se faisaient les uns les autres dans les bonnes œuvres. Hein? Puisqu'on voit que en cache à s'élever et il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire le dua pour lui. Donc il a entendu ça. Alors tout de suite il a voulu en faire partie de ce nombre des gens qui rentrent directement au paradis. Puis l'autre sahabi qui l'a suivi par la suite, et le professeur Hassam lui a dit qu'il avait été précédé. Ça veut dire qu'il faut faire la course dans les bonnes œuvres. Le numéro 18, anna tarka ruqya wal kay min tahqiq at-tawhid. Le fait d'abandonner la ruqya et d'abandonner plutôt le fait de demander la ruqya et le kay, le faire, ça fait partie de compléter et de parfaire la réalité du tawhid. Le point numéro 19, talab ad-du'a min al-fadil fi hayatihi. Hein, donc ça c'est le point numéro 19, la permission de demander à quelqu'un qui est meilleur que nous de nous faire un dua durant sa vie, quand il est vivant. Pas après sa mort, comme les soufias qui prétendent que c'est permis de demander aux morts. Non, ça c'est pas correct. Le point numéro 20 ensuite, ilmun min alamun min a'lam nubuwwatihi sallallahu alayhi wa sallam حيث أخبر أن عكاشة من السبعين الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب فقتل شهيدا في حروب الردة رضي الله عنه. Il y a dans ce hadith également un signe parmi les signes de la prophétie, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné que Ukasha allait faire partie des 70 000 qui vont rentrer au paradis sans jugement ni châtiment, et on voit que il a été tué et il est mort martyr durant les guerres contre les apostats. Donc ça c'est la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé, donc avait fait un dua pour lui, et ce dua a été exaucé puisqu'il est mort shahid. Hein? Et ensuite le point numéro 21, fadilatu Ukasha ibn Mihsan, fadilatu Ukasha ibn Mihsan radiyallahu anhu, c'est-à-dire le mérite de Ukasha ibn Mihsan radiyallahu anhu. 22, le point numéro 22, استعمال المعاريض وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم حيث لم يقل للرجل الآخر لست منهم. C'est-à-dire d'utiliser des formules et des bonnes expressions, et on voit ici l'exemple dans ce hadith du bon comportement du prophète صلى الله عليه وسلم. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu à l'autre homme qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire le dua pour lui. Il ne lui a pas dit « tu n'es pas de leur nombre, tu ne fais pas partie des 70 000 ». Il lui a seulement dit que Ukasha t'a précédé. Et donc ça montre le bon comportement et les bonnes manières, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'utilisait pas des paroles ou des expressions blessantes pour dire des choses blessantes aux gens. Il utilisait des paroles pour faire en sorte que les gens ne soient pas blessés et pour que les gens acceptent plus facilement la vérité. Le point numéro 23, سد الذرائع لألا يقوم من ليس أهلا فيرد. سد الذرائع لألا يقوم من ليس أهلا فيرد والله أعلم. Donc, le cheikh, il dit ici, le fait de يعني fait de fermer la porte aux choses qui peuvent amener vers le mal, yani de manière préventive, pour que les gens qui ne sont pas qui ne sont pas aptes à le faire, c'est-à-dire à répondre, ne répondent. Hein, qu'on laisse les savants et les personnes qui ont la science répondre. Wallahu a'lam. Donc ça, c'est les points qui sont mentionnés dans ce hadith. Donc on voit que ce hadith aujourd'hui qu'on a expliqué est un hadith assez long qui contient beaucoup de sagesse, beaucoup de règles, beaucoup de principes et beaucoup de clarifications au sujet du tawhid. Donc c'est un hadith très important qui renferme beaucoup de leçons pour nous. Et donc alhamdoulilah, je pense que pour aujourd'hui on va s'arrêter uniquement à ce hadith là et inshallah demain on commencera le chapitre numéro 4 dans l'explication de Kitab al-Tawhid inshallah, et c'est le chapitre al-khawfu min al-shirk, la crainte ou la peur du shirk. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant استغفرك واتوب اليه بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته